arc-en-ciel, un amour de FM. I'm a great invasion on the case of the people I would take. Even leave me on, cause you know I wanna swing. listen is anything. Call me crazy, call me wrong, call me insane. Call me Mr. Fame, call me what you like. As long as you call me time and again. Feel the presence of the aura of the man. Nothing to compare, no design for a chance. Just to touch your hand or a moment to share. Can't deny the urge to make someone to lose themselves to the devil there. Once pull me back, the simple fact is that I'm all that. And I'm always there. One sex you can't perplex me, now you know who you are. Cause if you didn't know before, I knew what I wanted. I'm loving now, I want you. And then I want a little bit more. Bonjour tous et à toutes, voici donc 13h et passé de 30 minutes, voici donc le retour avec l'émission Mickey Dance jusqu'à 16h avec les chansons souvenirs. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé tout simplement une bonne semaine et ainsi une très bonne matinée. Voilà donc, eh bien, le week-end approche, donc eh bien, dès demain, le temps tout simplement avec un peu la pluie et puis un peu aussi de tout simplement en vacances, et oui, depuis bientôt maintenant un mois déjà, eh bien voilà, déjà en comptant très bien, et eh oui. Voilà donc, eh bien, on va continuer sur l'émission avec Snap et puis suivi de Earth Kids. le deserve. A man who knows what I require, the thing that I desire. Voici donc, je vous laisse avec le groupe Moller Talking, et puis juste après, un petit coucou à Véro avec Master 4G. en couleur. La fête des saints populaires, une organisation radio arc-en-ciel, fut un réel succès. Les 9 et 10 juillet dernier au parc de Lignerolles se déroulait la 29e édition d'Ouche Sainte Populaire. Bravo aux membres du conseil d'administration pour le choix, la qualité et l'organisation de ce week-end festif. Merci aux animateurs et techniciens qui ont tout mis en œuvre pour la diffusion des émissions en direct du parc. Un grand obrigada à tous nos bénévoles. Et un merci tout particulier à nos jeunes bénévoles. La relève est assurée. Merci à vous, public présent, venu des quatre coins de la France et du Portugal. C'est grâce au savoir et à la volonté de chacun de nous que tout peut être réalisable. Bravo au groupe de tambour, aux Amelantinos de Olivet, aux Amigos de Portugal et aos Bombos Soleil du Portugal. Parabéns ao Grupo Energia, Marquito, Helena Correia, Nel Monteiro, Leo e Leandro, Tony do Porto e o Ratinho pela surpresa. Bravo aussi à l'équipe du camion Seine Frequência. Merci à la mairie de Fleury-les-Aubrais. Obrigada à DGACCP, Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas. E un merci tout particulier à nos sponsors. Merci à SMP Ravalement, Quinta de Pacheco, Orelec, NPC, Hôtel Trois Vallées, RD45 Lavielle, Entreprise Générale du Bâtiment Alberto Coelho, Panier du Monde, Pigimédia, Hyper U de Baule, AS Sécurité, RPG International, Batimaya, JBL Sonorisation, AEB Location et Vente, Établissement Mariano, L'Atelier des Papilles, Loser Journal, Imperio Assurance, Star Music System, Adopt Speciality, Calypso, Gaticar Ford, Crédito Agrícola, IAD Immobilier, Sandra Canivette, Cadamost Edition, Le 7 Discothèque, Soditra Sodiloc, Natalis, Motortech, Luso Concept Metallo Hunters, Restaurant La Poule Blanche, Samsic Propreté, Antares, Lareira Restaurant, JR Service, Salgado Tomé, Le Tamaris, NVL Propreté et Services Associés, SARL Santos, Ougril, Le Bar à Pizza, Les Amis du Bâtiment, Dominguez Sergio, RM Rénovation, Solindo Manuel Taxi, DMC, DP Construction, Entreprise Oliveira, la Banque BCP, à Service Rénovation Plomberie, SARL Ravalement Carrelage Abrésienne, MCR 45, Restaurant Polo et Marie, Aldora Construction, SARL Pavé Igor, Vasco et Frères, MCJ, Mostra de Lettres, Serre 45, Entreprise de Maçonnerie AD, SARL Ribeiro Entreprise Générale de Peinture, Villard DS, MPS, DSA Rénovation, Ricardo Fernandez, Service Après Construction, Restaurant Brasilia, TL Sol, Pro Rénovation Qualité, Goncalves Mécanique, SARL De Barros, Casa Isolation, JP Location et l'entreprise Électricité Générale Emilio Dias. A tous, un grand merci. A todos, un muito obrigado. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Rock my heart. vous laisse avec Adaway, avec Rock Mart. Et bien suivi de Michael Jackson. Ici, si tu cognes

danse les filles, les filles en pantalon. Quant à nous les filles, nous aimons les garçons avec leurs cheveux longs. Nous ne sommes pas des anges, les anges du paradis. Non, nous n'avons rien des anges du paradis. Laissez-les au ciel, là-haut, les anges, la terre n'est pas le paradis. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voici donc La Belle Vie avec Chacha Distel. Faire un petit tour avec les gitanes avec Félix Gray. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Et la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime. Entendre quel spécial, un amour de la scène. Signé d'espoir dans les regards, donnons-le. spéciale, un amour de la femme. Voici donc les JC King. Et puis juste après, on écoutera Michel Fugain. El sueño.

toi qui fais ce soir le premier pas. On salue un peu mon père moi. Reviens près de toi. Vois, rien qu'un instant je ne vais pas rester. Je prends de tes nouvelles et je m'en vais. Je ne fais que passer. Moi, je te retrouve au milieu de tes fleurs. Chez toi la vie a toutes les couleurs. Et les goûts du bonheur. En noir et blanc, je vois passer les jours. Comme un brouillard qui tourne et retourne. Des choses de l'amour. Je sais, un amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, un amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Je t'ai perdu pourtant. Voilà. C'est moi qui fais ce choix de premier pas. On ne fait plus semblant, mon cœur et moi. On a besoin de toi. Ouais. Je n'aurais jamais cru qu'un jour viendrait. Auprès de toi, je me retrouverai. Si des enfants, je sais, un amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent, et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, un amour il faut toujours un perdant. J'ai la chance de gagner souvent. Je t'ai perdu tout le temps. Vois, c'est moi qui fais ce choix des premiers pas. On salue un peu mon cœur et moi. On revient près de toi. Rien qu'un instant, je ne vais pas rester. Je vais prendre de tes nouvelles et je vais m'enlever. Je ne fais que passer. Je sais, un amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, un amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, un amour il faut toujours un. J'ai eu la chance de gagner souvent. Arc-en-ciel, un amour de FM. J'ai questionné tout le monde autour de moi, mais c'est la même réponse à chaque fois. Je n'arrive plus à dormir dès que l'on sonne. J'ai peur de voir revenir les hommes en Ford Falcon disparus. Tu tu as disparu. Disparu au coin de ta rue. Je t'ai jamais revu. Bravo Jean-Pierre. On applaudit bien fort Jean-Pierre Madère. Il y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle n'achète pas de champ cachet, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Et partout dans la rue, je t'en parle de moi. Que les filles soient nues. Voici donc toute première fois avec Jelmas.

tu n'es pas là. Arc-en-ciel. Voici une chanson en duo et juste après Didier Barbelivien. Et le titre s'appelle Là où je t'aime. Au mille et une splendeurs, où les princesses au jardin du bonheur offrent leur cœur. Aucun facteur ne s'en souvient. C'est C'est un château de sable avec une église au milieu, où les statues de marbre ont des grains de blé dans les yeux. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. C'est une rivière morte, tous les poissons croient au bon Dieu. J'ai fermé ma porte aux mendiants et aux orgueilleux. C'est une forêt vierge où les mots d'amour sont maudits. Un nuage de fièvre entre la Sologne et Paris. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. ciel. C'est aussi ça. Comme un arc-en-ciel, ou n'a pas le mal. dans le soleil, nous a emporté le bout du bonheur et a financé le fond de mon cœur. Elle vient caresser nos visages comme une goutte de rosée. Même si demain elle s'envole pour partir loin vers l'horizon, elle restera comme une aubole pour protéger notre maison. Le fond de le cœur. Cette colombe aux plumes blanches est pour tous un signe de paix. Elle porte en elle l'espérance et nous ne l'oublierons jamais. Una paloma blanca, jolie comme un arc-en-ciel. Le fond de leur cœur. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc, eh bien, l'émission touche à sa fin. Voici donc tout simplement la musique qui s'appelle interprétée par Diego Morena et Jean-Philippe Audin. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon après-midi en ma compagnie. On va se retrouver prochaine fois. Voilà. C'est donc dimanche. Dimanche à partir de 13h30 pour l'émission de l'accordéon. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Eh bien, bonne fin d'après-midi, bon week-end. Et puis donc, si vous prenez la route, faites attention à vous et soyez très très prudents. Voilà donc, eh ben, bonsoir à vous toutes. Thank you.